أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. الحمد لله رب العالمين. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ar-Rahman Ar-Rahim. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Malik Yawm Ad-Din. Maître du jour de la rétribution. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Ihdina as-siratal mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés.